Eh non, mets au couplet direct. Est-ce qu'on fait peur aux gens parce qu'on a la gamberge de gros bonnet? D'ailleurs la première fois que j'ai pris le micro on me l'a pas ordonné. Dédié à mes marmots qu'on gine trop et la morvonnée. Ambitieux, vicieux et sur le bitume bien coordonné. Dans la bouche inconnue par mes potos épaulés. A l'autour de contrôle je suis réel, je suis prêt à décoller. Mais comme dirait mon pote Monet, faut pas déconner. Un mauvais garçon, au premier coup d'œil ça se reconnaît. J'ai trop de mal à respirer, le manège m'inspirait. J'aspire à tout casser, coup de pompe dans la putain de spirale. J'ai les nerfs trop crispés, dur de lâcher un sourire. Vas-y, roule un petit, faut que je filme, j'ai besoin de partir. En studio, faut que le son pénètre comme l'arme du crime. Faut que les rimes pètent, touche l'âme, que les basses fassent trembler team. L'artifice m'aide à gérer la réalité. Monde parallèle pour croquer le béton et le digérer. Des fois, je me pose la question et choisis la bonne direction. Pourtant, avant, je me disais fumer, pas question. À tête reposée, souvent, je me remets en question. Ça devient une obsession. Et renoncer, c'est hors de question. Même si à chaque fois que je sors mon shit, je suis en infraction. C'est comme les poteaux. Partout où je vais, je traîne avec ma conso. Y'a rien de mal, c'est histoire que je me mette en condition. C'est pas de ma faute si sans cette merde, je produis pas de chansons. Tendance alcoolique, dépressif, vers mon self-control. Faire des joints de popo, c'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel, réunion d'artifice, 113 et cartel, une équipe qui fume ça. Je perds mon self-control. Faire des joints de popo, c'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel, réunion d'artifice, 113 et cartel, une équipe qui fume ça. Je suis dans un hôtel, le sac rempli de substances illicites. Bière, beuh, popo shit, des pastilles qui excitent, feuilles à la main. Je balance trop de fumée dans le cœur, sky à la main. Je marche toujours comme Johnny Walker. À force de chine, j'ai la tronche dans le coltard. Sale flip, hallucination et coup de barre. Toulouse 31 et Camille Croûte, Star Smoke. Défense chronique, on fume des buzz red comme des locks. En soirée, ça fume sec, picole sec, popo JB. J'suis pas trop dans le délire, mais j'me dis quand même j'y vais. J'ai dû ramasser un poteau après une sérieuse cuite. Ceci ne fait pas de moi un modèle de réussite. À mon actif, pas une seule tarte ni même une gorgée. Fou, je le suis déjà assez, si j'goûte, j'risque de tout casser. Les gueules, les sales keufs et même mon avenir. J'en ai vu partir, j'voudrais m'en sortir. Moitié du bloc et le morceau monte en pression. MC poids lourd presse le beat comme un bouffon pour son blouson. Dans ma gamberge cohabite ange et démon. Le shit démonte et le démon crève l'ange en lui coupant la bite. Toulouse 31 ma couille, tu sais où j'habite fils. Date PPDA pour te parler d'artifice. A de buzz de voir l'envers du décor, penser trop hardcore. Moi je me casse, mets-toi à l'aise, monte le son plus fort. Alcoolique, dépressif, faire mon self-control. Faire des joints de popo, c'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel, réunion d'artifice, 113 et cartel, une équipe qui fume ça. Tendance alcoolique, dépressif, faire mon self-control. Faire des joints de popo, c'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel, réunion d'artifice, 113 et cartel, une équipe qui fume ça. Les gyrophares, les bars, les briquets, les esprits s'allument. En solitaire dans mon hall, c'est un joint de popo que j'allume. Dans cette société cause quelques fractures, jusqu'à la pourriture pour une africaine dictature. Espèce d'enculé, dans mes écrits quelques ratures. Je pète et je suis sur Saturne, faut pas que le son sature. Dans Super 5 à Camel, aquarium dans la voiture. Petite peinture, va mettre ta robe de nuit, je prépare ma mixture. Je suis comme un gros qui bouffe trop, comme un type qui boit trop au fond du trou. Réveille toi gros, putain je fume trop. Descente aux enfers frère, 26 pieds sous terre. Red mort sur le sol, je colle aux confins de l'excès frère. Double vie, homme honnête le jour, défoncé la nuit. Chaque latte, chaque staff me tire vers ce paradis. 113 et KDD c'est comme feuille et tabac. Médite dose le sang sur le buzz, vas-y allume ça. Ok des joints j'en ai allumé, pour te dire j'en ai rallumé. Où ça et quand je peux pas te dire, j'aime pas me cacher. Je suis plutôt du genre à fumer en public. Je demande l'avis de personne gros, j'allume mon spiff, gros, j'allume mon spiff. C'est mon job, gros. Ok, j'kiffe. Gamberge en bordel. Et gros, 113 et cartel. Tendance alcoolique, dépressif. Faire mon self-control. Faire des joints de popo. C'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel. Réunion d'artifice. 113 et cartel. Une équipe qui fume ça. Tendance alcoolique, dépressif. Faire mon self-control. Faire des joints de popo. C'est mon job, je kiffe ça. Gamberge en bordel. Réunion d'artifice. 113 et cartel. Une équipe qui fume ça.